On parle des Roms avec des Roms. Vous savez, les Roms, les Tziganes, les Gitans, on ne sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça craint. Ça craint d'être Roms, Tziganes, Gitans, gens du voyage, ça craint. Avant de rentrer dans la discussion, on s'écoute Paco de Lucía. Thank you. 1, 2, 3, c'est parti, ça démarre. Et on est rue des Renards. Je fais de la poésie, ça démarre, rue des Renards. Et en face de moi, mais il n'y a pas que, il y a Marolito, il y a Elvira Hassan et Madame Lee. Alors, mystère, qu'est-ce que c'est que ces gens? Qu'est-ce qu'on fait là, Marolito? Parce que c'est un peu grâce à toi que ce dispositif est là, ici, maintenant. Bah oui, effectivement, il y a quelques temps de ça, tout est parti d'un article odieux de l'ADH qui s'intitule « L'incroyable enquête de la police belge, les gitanes voleuses, elles sont sans scrupules ». Donc voilà, une fois de plus, de la romophobie en public, dans un journal qui a pignon sur rue. Moi, du coup, j'ai écrit une carte blanche sur Internet pour avoir un droit de réponse. Et l'idée, évidemment, c'est que les principales concernées puissent s'exprimer par rapport à cet article. Et donc, j'ai contacté Madame Lee, que je connais depuis un petit temps. Et j'ai contacté Elvira. On ne se connaissait pas encore, mais j'ai vu effectivement que Elvira était d'origine rome et qu'elle menait un combat sur la question de la romophobie. Et puis il y a toi qui as pris la balle au bon pour nous donner la parole et pour surtout leur donner la parole à elle, parce que c'est un sujet dont on parle très peu, parce que la question rome est complètement invisibilisée, alors qu'on est dans une situation, aujourd'hui on vit des situations d'apartheid aujourd'hui à travers toute l'Europe quasiment, le retour des pogroms, il y a encore quelques jours à Lille, un campement rome a été incendié de façon criminelle, par des groupuscules racistes qui mènent ce genre d'opérations qui s'apparentent véritablement à des pogroms. Donc je pense que c'est très grave ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans toute l'Europe et qu'il faut absolument en parler, il faut briser le silence par rapport à ça. J'ai choisi le quartier des Marolles parce que je suis originaire de ce quartier, que c'est un quartier où il y a eu beaucoup de populations manouches qui se sont sédentarisées après la guerre 40-45, notamment autour de la brocante, de la ferraille, avec les métiers qui étaient liés à leur communauté. Mais avant eux, il y avait déjà eu des Roms originaires des Balkans ou de Hongrie également qui s'étaient installés dans le quartier il y a plus ou moins 150 ans. Et il y a eu pas mal de mélanges finalement dans ce quartier entre différentes communautés, y compris avec les Bruxellois installés dans ce quartier de longue date, qui eux-mêmes étaient brocanteurs et ferrailleurs, et qui donc se retrouvaient dans des métiers et un mode de vie finalement assez proche et populaire. Et Marolito, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu te présentes comment, toi? Parce que toi, tu as un gars qui trouve que tout ça, donc sur le mot romophobie, ou comment, enfin, quoi, tu as un gars qui est révolté de ça, mais t'es qui toi en fait? C'est ça ma question. Oh, c'est pas facile de se décrire comme ça, mais enfin moi je suis déjà un être humain déjà à la base, et puis je suis musicien, et puis je suis originaire de ce quartier. J'ai moi-même dans mes ancêtres des personnes d'origine rome des Balkans de très très longue date. Je n'ai pas grandi dans cette culture. J'ai grandi dans une culture bruxelloise, mais en tout cas je viens de cette histoire de créolité. Voilà, donc moi j'ai conscience de ma créolité tout simplement. Et oui, je suis sensible à cette question. Ma famille, quand elle avait son bar dans les Marolles, c'était le QG de la communauté manouche dans le bar. Ils faisaient même la crisse dans le bar de ma famille. La crisse, ça s'est un peu perdu, mais c'est le conseil des anciens. C'est quand les anciens se réunissaient pour prendre des décisions importantes pour la communauté. Ça se passait dans le bar de mon oncle, tu vois. Donc je veux dire, ma grand-mère, elle a vécu toute petite avec les enfants, des vieux qui faisaient la crisse dans le bar. Voilà, en tant que musicien, je joue par exemple en Belgique avec la famille Becker, qui est une famille d'origine manouche en Belgique. Depuis maintenant plus de 15 ans, on joue ensemble. Même eux, ils sont invisibilisés en tant que musicien. Parce qu'on a souvent, on en parlait avec Madame Lille là tout de suite, on a souvent le cliché, soit le Rome il est mendiant, soit il est mafieux, soit il est musicien. Mais moi j'ai envie de dire que même les musiciens manouches ont plus de mal à jouer aujourd'hui dans ce pays parce que les réseaux restent blancs et bourgeois. Et donc en fait aujourd'hui, même ceux qui prennent le travail des musiciens manouches, c'est pas grave, ils ont le droit d'exister aussi, mais il faut quand même pouvoir aussi dire cette parole que du coup même les musiciens manouches sont invisibilisés aujourd'hui en Belgique. Qui a envie de parler? Madame Lee, Elvira, qui a envie de prendre la parole pour se présenter un peu? Qui vous êtes? Bon. À moi alors, ok. Voilà, donc moi je m'appelle Elvira Hassan, donc je suis rome d'origine ethnique, donc de la Macédoine à la base. Donc je suis née là-bas et voilà, je suis arrivée en Belgique jeune enfant. Voilà, donc j'ai à 12 ans plus ou moins, donc voilà, donc c'était j'avais à peu près 9 ans quand je suis arrivée et que je me suis stabilisée. Qu'est-ce que je peux dire? Ben oui, pourquoi est-ce que je suis engagée aussi fort? Ben parce que la question rom au sein de notre communauté, c'est quelque chose à l'intérieur de la communauté, c'est une question qui est centrale, qui est très très souvent discutée, souvent entre les hommes d'ailleurs. Et moi, ayant été très proche de mon papa, j'ai été souvent, très souvent confrontée à cette question, à ces discussions en interne liées à la communauté, aux frustrations aussi, qui sont internes à cette communauté et à l'exclusion dont on fait face à toutes les difficultés en réalité. Et donc voilà, donc j'ai été confrontée à ça et donc déjà jeune enfant, je me suis posé les mêmes questions que se posaient d'autres personnes, à savoir ben voilà, quelle était notre place au sein des sociétés, pourquoi a-t-on une si mauvaise image, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette image, qui sommes-nous en réalité aussi, parce qu'il faut savoir aussi qu'à l'intérieur de la communauté, ben, il y a vraiment une méconnaissance de la culture, de l'histoire, il y a énormément de manque aussi, parce que voilà, pour qu'un peuple puisse s'aimer, s'estimer, il faut aussi connaître son histoire, connaître son identité pour pouvoir en être fier. Et voilà, donc tout ça m'a amené à être plus active, donc voilà, au sein de la Belgique, sur qu'est-ce qui se faisait, qui s'occupe réellement de la question rom, qui fait quoi ici en Belgique. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être plus active. Donc j'ai contacté des associations, j'ai voulu voir qui s'occupait, qui se préoccupait réellement de la question rom, parce que c'est la grande majorité des gens issus de la communauté, de la grande communauté rom, parce que voilà, il y a énormément de communautés rom, mais de manière générale, je dirais la communauté rom, il y a énormément de frustrations qui ne sont jamais discutées. Pourquoi ? Parce que la grande majorité reste silencieuse. Et donc, mais on a chaque fois envie de savoir où tu en es, toi, dans pourquoi elle est silencieuse. Qu'est-ce qu'il existe en Belgique vraiment pour cette cause, pour défendre cette cause, ces gens voilà. Mais je dirais que... Et toi d'abord, qu'est-ce que tu fais toi quand tu dis j'ai envie, qu'est-ce que tu fais toi concrètement? Voilà, alors concrètement la première chose que j'ai faite c'est prendre contact avec les associations qui existaient. Déjà de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se fait au niveau local, au niveau national, au niveau peut-être européen même. Ça donne quoi? Alors, et ça donne quoi? Au niveau local, en tout cas, du côté de Charleroi, il n'y a pas grand-chose qui est fait. On a mis en place un projet qui a été subsidié par le Fonds social européen. C'était un projet, c'était une très très belle initiative, mais à mon sens, et ce sont des propos qui ne tiennent qu'à moi, c'était une initiative qui n'était pas réaliste. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on exigeait un changement de mentalité des populations roms en un claquement de doigts. C'est pas possible. Un projet doit être pérennisé sur quelques années, sur une durée, enfin sur plusieurs années pour qu'on voit réellement un effet positif. Mais qu'est-ce qu'ils demandaient concrètement? Alors qu'est-ce qu'ils demandaient au sein de ce projet? C'est que les enfants, des adolescents en réalité, des adolescents qui malheureusement décrochaient trop rapidement de l'école, mais on s'est rendu compte avec le projet que le décrochage scolaire en réalité il débutait quand on était enfant, quand les enfants sont en école primaire déjà, pour ne pas dire à la maternelle. Mais ils demandaient à ces enfants, à ces adolescents de réussir leur scolarité et de parvenir à leur diplôme en 2 ans de temps. C'est pas du tout réalisable à mon sens. Oui, mais on va continuer, mais c'est super intéressant parce qu'on. Mais tu parles il y avait un fonds européen, mais pour faire quoi, comment? J'ai du mal à comprendre là. Donc en fait, le projet qui a été subsidié par le Fonds social européen, le but de ce projet, c'était d'aider les familles roms, par le biais des adolescents roms, à réussir leur scolarité et à être inclus dans la société. Parce que voilà, qu'est-ce qu'on entend en fait dans les sociétés, dans nos sociétés modernes ici actuelles, c'est que l'insertion en réalité, elle est faite par le travail. C'est ça. Et ça n'a pas fonctionné. Alors qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, c'est relatif. Pourquoi? Parce que nous, on a, par exemple, pour pouvoir déjà travailler avec ces communautés, avec ces familles, il faut créer du lien. La création de liens, ça ne se fait pas en une fois. La suspicion, elle est là, elle est grande, parce que ce sont des communautés qui ont été persécutées pendant très très longtemps et qui le sont encore dans certains pays, de l'Europe de l'Est notamment. Donc créer du lien, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ce n'est pas parce qu'on se présente quelque part que les gens vont vous accueillir et vont être sûrs et certains que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire qui va les aider. Donc ça prend du temps. Donc en 2 ans de temps, on a créé des choses et on a mis en place à la fin du projet. Attends, parce que quand tu dis « on a créé », c'est qui le « on » ? Alors, quand je dis « on », c'est l'équipe à Charleroi, donc l'équipe de travail. Donc, il y avait mon collègue Christophe Carlier. Donc, c'était le CPAS de Charleroi, le service Action Migrants, plus précisément, les écoles qui étaient preneuses de ce projet. Donc ça, quand je dis « on », c'est de eux que je parle. C'est vrai que c'était toi. Non, pas moi. En fait, c'est pas toi toute seule. Tu fais partie d'assos, d'institutions pour défendre la cause Rome, c'est ça ? Voilà. Donc en fait, c'est pas moi toute seule. C'est un projet qui a été initié d'abord par le CPAS. Et ensuite, il y a eu un appel à candidature. J'ai postulé, et donc j'ai été acceptée. Donc quand je dis « on », c'est surtout le CPAS de Charleroi. En tout cas, un département du CPAS, avec la collaboration des écoles et où j'ai pris part. Écoute, on a envie de continuer, mais il y a Madame Lee là, et on va partager la parole, mais ça... Allez, Madame Lee, enchantée. Ravie de vous connaître, Graziella, et aussi, je vous remercie pour l'occasion de m'exprimer à ce sujet qui me tient à cœur depuis pas mal de temps, je pense. Si je ne me trompe pas, depuis mes premiers pas dans la société où j'ai remarqué qu'il y a une différence de traitement entre ce que je subissais et ce que les autres enfants avaient comme traitement. Pas le même. Pas du tout le même, je dirais. Commençant par mots péjoratifs qui sont très spécifiques concernant les tziganes, les roms, jusqu'à des attitudes où des gens un peu plus subtils jugent mes erreurs avec une hargne en multipliant leur envergure par 10 alors que mes mérites sont à peine remarqués. Donc ben, ça c'était une des choses que j'ai remarquées assez tôt. Et que ce soit dans la société roumaine où je suis née, j'ai grandi, ou ici en Belgique, cela n'a pas beaucoup changé. En fait, mais heureusement et très fort heureusement, je rencontre aussi des gens merveilleux qui savent qu'un être humain est un être humain, pas un demi, pas un double personnage, mais juste un être humain. Grâce à ceci, grâce à des manières de voir la vie et le monde comme ça, je suis arrivée à avoir un certain statut social. Mais dans mon statut social et professionnel, je cache mes origines. Pourquoi ? Parce que à un moment donné, j'en avais marre de gaspiller mon temps et mon énergie à démonter des clichés bien enracinés dans l'imaginaire collectif et qui sont d'ailleurs véhiculés dans tous les sens avec plus ou moins de subtilité, notamment par cet article dont Marolido parlait et que j'ai eu l'occasion de lire, mais que le titre, puisque le reste me donnait un sentiment de mal-être. C'était quoi le titre ? L'article s'intitulait « Une incroyable enquête », quelque chose, peut-être que je ne répète pas notamment le titre, mais c'était « Une incroyable enquête de la police sur les voleuses gitanes et, entre guillemets, elles sont sans scrupules ». Alors, il y a des questions que je me suis posées immédiatement dès que j'ai lu ce titre. Et tout d'abord, sur est-ce qu'il y a un comité d'éthique qui établit la présence des scrupules chez un voleur ou chez une voleuse, ou bien elles sont attribuées selon les origines, je ne sais pas. Ou peut-être je sais, mais je ne veux pas le dire. Et puis cette phrase, entre guillemets, elles sont sans scrupules. D'où est-ce que cette phrase, entre guillemets, vient? Je n'ai pas lu l'article, donc je ne sais pas. Est-ce que ça vient de la part de la police? Est-ce que ça vient de tout simplement le journaliste? Mais quelle est la vision du monde de ce journaliste? Quelle est sa perception d'une situation qu'il veut décrire lorsqu'il dit « incroyable enquête de la police » puisque c'est tout banal et ordinaire que la police fasse des enquêtes sur les voleurs, je trouve. Donc, si c'est si incroyable, je ne sais pas, je ne crois pas. Oui, ben pour embrayer sur ce qui vient d'être dit, effectivement, c'est un article complètement homophobe. Moi, la première chose qui m'a surpris quand j'ai lancé des appels, c'est que presque personne n'a pris la balle au bon. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, la homophobie, c'est toujours quelque chose de très accepté dans notre société et que les Roms sont des fantômes parmi les fantômes, la minorité parmi les minorités. Aujourd'hui, il y a des minorités qui sont devenues plus visibles grâce aux luttes qu'elles mènent, et c'est très bien, et je les soutiens entièrement, et je suis présent dans ces luttes. Mais encore aujourd'hui, c'est très compliqué en Belgique, en France, de parler de homophobie. Et en fait, un titre pareil, parce qu'en fait, même si elle n'a pas lu l'article, le titre est tellement odieux, en fait, que, je veux dire, pour moi, c'est une condamnation pénale. C'est un appel à la haine raciale, un titre pareil. Ensuite, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais lire l'article. Et alors là, évidemment, c'est un condensé de tous les clichés qui existent aujourd'hui, les grosses voitures. Donc là, même, on sait bien ce que ça représente, la grosse voiture, dans l'imaginaire homophobe aujourd'hui, hein. Est-ce qu'il aurait parlé le journaliste de grosses voitures s'il s'agissait de la mafia italienne ou de la mafia russe ou de la mafia japonaise? Il n'aurait pas parlé des grosses voitures. Mais là, comme c'est la mafia rome, hein, parce qu'évidemment qu'il existe une mafia rome, comme il existe, comme je l'ai dit, une mafia russe, une mafia italienne, une mafia corse, etc., etc. Ça, c'est l'objet d'une rencontre. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais c'est l'objet d'une rencontre en soi. Donc, je referme la parenthèse. Mais on met constamment le focus sur ces gens-là. C'est un vrai problème, en fait. On met constamment, et dès qu'il s'agit des communautés roms, on n'a pas le choix. On est enfermé dans mafieux, mendiants ou artistes. Je reprends les mots de Madame Lily quand on était avant l'interview, c'était très juste ce qu'elle a dit. Et voilà, l'artiste, c'est le cliché exotique, le mafieux, c'est la haine homophobe. Mais même le cliché exotique, il faut s'en méfier. Frantz Fanon a dit « Je me méfie autant de ceux qui admirent les Noirs que de ceux qui les détestent ». Donc moi, ceux qui enferment les gens aussi dans des clichés exotiques, parce qu'en fait, ils veulent, à travers l'image exotique du Rhum, retrouver leur propre identité perdue ou quelque chose de l'ordre d'une communauté perdue chez les Blancs, et en Occident ici qui est très fort parce qu'il y a un mal-être culturel chez les Occidentaux qui est terrible en fait. Il n'y a plus de lien social, il n'y a plus de famille, il n'y a plus d'identité, il n'y a plus de mémoire, il n'y a plus de langue, il n'y a plus de musique, il n'y a plus de danse. Effectivement, quand une communauté porte encore en elle des traditions fortes comme peu les porter encore les communautés roms aujourd'hui, elles suscitent des fantasmes, en fait, des populations blanches, en fait. Donc ça aussi, c'est à démonter. L'exotisme aussi est à démonter, c'est très important. L'exotisme, c'est le regard raciste inversé, en fait. C'est un jeu de miroir, en fait, tout simplement. Et j'ai lancé plusieurs appels sur Internet par rapport à cet article, à différents journalistes, et encore aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. Mais comment est-ce qu'à un moment donné, tu es la seule qui nous a tendu le micro? Comment est-ce qu'à un moment donné, on va pouvoir vraiment donner la parole aux principaux concernés? Parce qu'il y en a aussi marre, c'est pour ça que je voulais absolument que Elvira soit là et Madame Lee soit là. Et d'ailleurs, moi, je vais moins parler, je vais les laisser plus elles s'exprimer à partir de là. C'est important de donner la parole aux principaux concernés, pas tout le temps à des experts aussi, pas tout le temps à des chroniqueurs ou des experts ou des gens qui... Non, non, c'est important d'entendre aussi sur base... Les gens construisent une intelligence sur base de leur histoire, et ça aussi c'est quelque chose qu'on oublie en Occident, parce qu'on est complètement perdu dans une espèce de savoir institutionnalisé qui crèche là-bas dans des bâtiments, tu vois, et on n'écoute plus la parole populaire en fait, voilà. Réaction sur ce que... Une réaction par rapport à un terme que mon ami Marolito a utilisé, et c'est le terme homophobie. Le terme homophobie, pour moi, est quelque chose d'abstrait qui est issu des institutions la plupart du temps éloignées de la réalité que j'ai rencontré, par exemple, en tant que Rome, tout au long de mon parcours de vie ou professionnel. Et je vous explique pourquoi, parce que ce Rome et romophobie, le mot Rome est phobie. Alors, la phobie exprime une peur qui est irrationnelle, une peur que chacun de nous peut avoir par rapport à des choses qui lui sont inconnues ou connues, j'en sais rien. Je ne sais pas très bien expliquer ce mot phobie, mais je sais que ça ne me concerne pas en termes de discrimination que j'ai subie. Ce que je rencontrais, c'était plutôt du mépris, du rejet, de la haine, mais aussi parfois une sorte de jalousie. Mais ce n'est pas une jalousie. Le mot français... jalousie ne décrit pas la nuance que je voudrais mettre en évidence. C'est la jalousie avec l'envie de faire mal. C'est en italien qu'on remet aussi, qu'on trouve un mot qui est plus pertinent et qui s'appelle invidia. Invidia veut dire une jalousie avec envie de nuire à ce que soi-même on n'a pas et on ne saura jamais obtenir. Et oui, il y a cette envie que j'ai vue tout au long de mon parcours. Je pense d'ailleurs que c'est une des raisons pour laquelle beaucoup de Roms, avec un statut social assez acceptable, avec des valeurs morales et une capacité intellectuelle très honnête et même au-dessus de la moyenne, sont ignorés. Ignorés pourquoi ? Parce que peut-être pas tous les intellectuels qui font partie de la... je ne sais pas comment appeler ça, mais des gens qui s'expriment publiquement, peut-être qu'ils n'aimeraient pas être comparés et mis sur le pied d'égalité avec des Roms. Je me pose la question, peut-être que je n'ai pas la bonne réponse. Mais... moi, je laisse la parole circuler, parce que comme ça, vous vous réappropriez la matière et vous l'emmenez où vous voulez, parce que vous connaissez le sujet. Elvira. Oui, oui, merci. Alors, moi aussi, j'aimerais bien réagir par rapport à ce qui s'est dit. Alors, d'une part, ce qui est important de savoir, par rapport à l'impact des médias, puisque c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, c'est le sujet, c'est qu'il y a une méconnaissance des communautés roms, de manière générale. Et j'ai presque envie de dire, encore une fois, mais ce sont des propos qui ne tiennent qu'à moi, à tous les niveaux, quoi, je veux dire, de l'échelle sociale. Parce qu'il y a un désintérêt, en réalité. Il y a vraiment un désintérêt, moi, c'est ce que je ressens, par rapport aux communautés roms. On n'a pas envie de s'intéresser à eux, ils n'existent pas. Ils n'existent que en tant qu'êtres, entre guillemets, malfaisants, malveillants, ne voulant pas s'insérer dans la société, etc. Donc, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que, comme l'a dit d'ailleurs notre ami Morlito, j'ai déjà contacté des journalistes pour leur demander de diffuser des informations positives pour la communauté. Pourquoi ? Parce que quand il y a des personnes qui commettent des méfaits, alors je ne dis pas que ces personnes-là n'existent pas, mais elles ne sont pas du tout représentatives de la majorité silencieuse des communautés roms. Mais il faut savoir que quand il y a comme ça, un onde de choc comme ça, une médiatisation des méfaits, on ne connaît que cette partie-là des communautés roms. Et ça produit quoi ? Ça a quoi comme impact ? Ça a comme impact que la communauté rome, en général, reproduit le même schéma qui est de se cacher, de ne pas dévoiler son identité, justement pour ne pas faire face aux difficultés et aux stéréotypes qui sont véhiculés à cause de ça. Et donc, du coup, réellement, on reproduit exactement le même schéma qui est le fait d'avoir honte de sa propre origine ethnique. Alors, il y a quelque chose de paradoxal là-dedans, parce que moi, étant issue d'une des communautés roms, c'est qu'à l'intérieur des familles et des ménages, une langue est véhiculée, elle est parlée, une culture est véhiculée. Donc, ça veut dire qu'on vit entre deux mondes comme ça constamment. Pourquoi ? Alors, quand on pose la question aux journalistes, ben, diffusez quand même des informations positives par rapport aux communautés roms. Il y a plein de gens qui sont, je vais dire, extrêmement bien situés, qui sont bien situés aussi au niveau de l'échelle sociale. Quand tu dis extrêmement bien situés, on se demande de quoi tu parles. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, je veux dire que ce sont des gens convenables, quoi, des citoyens ordinaires, voilà, qui payent leurs impôts comme tout le monde et qui construisent un avenir pour leurs enfants. Enfin, ils sont respectables comme n'importe qui. Mais ces personnes-là ne sont pas visibles, elles ne sont pas entendues, voyez. Et parce que ça ne crée pas, je ne sais pas, comment vais-je dire l'information, voilà, qui est produite justement que quand on produit un papier qui va faire acheter, j'ai envie de dire, du journal, ou qui va faire diffuser des informations qui sont négatives. Enfin, je déplore cela, vraiment, et je trouve qu'il faut vraiment inverser la tendance, quoi. Qu'il faut vraiment faire autre chose et donner la parole aux populations et les stimuler aussi à prendre la parole pour montrer qu'il y a une autre image de ces communautés et que ces gens-là ne sont pas du tout représentatifs. Ouais, la question qui me vient, c'est comme ça, spontanément, c'est où est le combat de ces gens ? Pourquoi ils ne prennent pas eux-mêmes la parole ? Pourquoi il n'y a pas plus de... Parce qu'il y a, je pense qu'il y a un souci d'estime de soi, vraiment. Je pense qu'à un moment donné, on croit à ce qui a été tellement longtemps véhiculé, c'est-à-dire qu'on n'est pas des gens bien, que... Voilà, c'est une idée qui est aussi fort répandue à l'intérieur de la communauté. Les gens finissent par croire que c'est vrai, que nous ne valons pas la même chose qu'un gajo, nous ne sommes pas sur les mêmes pieds d'égalité. Or, c'est tout à fait faux. À un moment donné, il faut aussi accepter la personne, peut-être avec, ses différences. Voilà, on vit dans des sociétés de diversité. Donc il faut le mot est lâché. Le mot est lâché, exactement. Donc voilà, il faut accepter les gens dans leurs différences, mais il faut aussi, il faut les respecter, quoi. Il faut les respecter. Il faut arrêter de véhiculer des stéréotypes aussi forts que cela, parce qu'en effet, ça a été déjà relevé à plusieurs reprises. Si vous dites réellement que vous êtes homme, est-ce que vous allez avoir la chance de pouvoir obtenir un emploi ? Quel est l'impact réellement ? Ben voilà. Et cet impact-là, c'est par les médias qu'il passe. Parce que ces gens qui ne sont pas en contact direct avec les communautés roms, ben ce qu'ils vont voir, c'est leur journal, hein, et les informations qui passent sur les réseaux sociaux, etc. Donc voilà, donc tout ça, il faut vraiment tenter de contribuer à changer cette image. Tu voulais dire ? Oui, je voulais dire quelque chose qui n'entre pas vraiment dans le cliché de positive et négative par rapport à ce qu'on pourrait faire pour une présence un peu plus forte dans la société. Mais tout simplement, je me pose la question, est-ce que quelqu'un jugé, par exemple, selon les articles comme celui sorti par ce monsieur journaliste dans la DH, est-ce que j'ai envie de vraiment lui prouver que je suis quelqu'un de bien ? Est-ce que je dois me sentir obligée de prouver à quelqu'un qui peut penser comme ça que je suis quelqu'un de bien ? Je ne me sens pas du tout obligée. Et pour vous dire très sincèrement, j'ai envie plutôt de mépriser ce genre de mentalité qui m'oblige à prouver que je suis quelqu'un de bien. Donc, qu'on soit dans des clichés négatifs ou dans des clichés positifs, cela personnellement me passe par-dessus la tête. C'est tout ce que je voulais dire à ce propos. Bah oui, par rapport à ce qui vient d'être dit, moi je vais plus la parler pour la communauté Manouche, par exemple en Belgique, que je connais mieux. Il y a parfois le fait de s'en silencer soi-même pour un peu tout ce qui vient d'être dit ici. La première chose, il y a des gens qui ont peur de dire qu'ils sont d'origine manouche parce qu'ils ont peur de perdre leur travail, mais pas que un travail, au niveau d'une fonction publique ou même un indépendant. Moi, je connais un gars, il répare les toits, tu vois. Il est toiturier, quoi. C'est un des nouveaux métiers très présents aujourd'hui dans les communautés manouches en Belgique. Il dit qu'il est italien quand il va voir les gens, parce que bon, il est basané, tu vois, donc il ne sait pas dire qu'il est belge. Il dit qu'il est italien. Il a peur de perdre des clients. Et je pense qu'il a raison. Je pense que s'il le dit, il va perdre plus de 50% de sa clientèle, tu vois. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, je suis entièrement d'accord à ce qu'elle vient de dire, cette pression de tout le temps devoir se justifier. C'est insupportable, en fait. Et ça, il n'y a que ceux qui le vivent, qui comprennent vraiment que c'est insupportable. Les autres, c'est une projection de l'esprit. Pour eux, ils vont peut-être l'entendre, mais ils ne vont peut-être pas le ressentir dans leur corps. Cette pression-là du quotidien, de toujours devoir montrer patte blanche, tu vois, ce que subissent les minorités aujourd'hui de façon générale en Belgique ou en France. Il faut aussi pouvoir sortir de ça. Et je terminerai par dire ce que m'a dit Bilo, un vieux musicien manouche ici qui vit en Belgique. Nous, on a appris que de toute façon, les gadgets, ils nous aimeront jamais. Et donc, en fait, on doit vivre caché d'eux. On doit vivre caché d'eux, on doit créer notre monde, tu vois. En plus, eux, ils étaient encore nomades jusqu'il y a 60 ans, plus ou moins. Donc, même dans la mentalité de ceux qui étaient encore nomades, c'est encore différent, la mentalité de ceux qui ont été sédentarisés de longue date, tu vois. Parce que là, ils vivent encore plus en marge de la société, les nomades, tu vois. Ils vivent à côté des autoroutes, à côté des rails de chemin de fer. Lui, pendant la guerre, imagine-toi, il a vécu caché dans les bois. Il a vécu un an dans les bois pour fuir les rafles, tu vois. Donc je veux dire, quand tu as un tel traumatisme, ça, tu le transmets aussi à tes enfants. On peut en parler aussi, la question du génocide. La question du génocide, elle a laissé un traumatisme, se cacher, tout le temps se cacher. On ne sait pas ce que les gadgets vont nous faire, on ne sait pas ce que la société sédentaire va nous faire. Elle nous écrase tellement. Quand tu vois aujourd'hui le retour des pogroms dont je parlais, des campements qui sont incendiés à Lille et tout ça, mais je veux dire, c'est pas un fait. Non, non, c'est des dizaines de faits aujourd'hui en France. Et là, je parle de la France, hein. On n'est pas dans les Balkans, là. C'est des groupuscules de gens racistes qui attaquent avec des cocktails Molotov, des campements. Enfin, mais qui parle de ça ? T'imagines la situation de ces gens-là ? Ils vivent dans un campement à côté d'une bretelle d'autoroute, il y a des mecs qui viennent les attaquer avec des cocktails Molotov, mais... Et en plus, ils font partie des classes sociales les plus populaires, les plus invisibilisées. Ils ne sont même pas chômeurs ou machin. Non, non, ils ne sont même pas dans le système. C'est ce que je disais, fantôme parmi les fantômes, tu vois. Donc, à un moment donné, comment tu veux qu'il y ait cette visibilité-là? Ces gens-là, ils n'ont pas de potes journalistes, ils n'ont pas de potes haut placés ou ci ou ça. Donc, en fait, même en termes de réseau de pouvoir, eux, ils y sont pas, tu vois. Oui, donc, voilà, donc... Moi, simplement, pour rebondir aussi, je trouve que de très, très belles informations, enfin, de très belles, comment vais-je dire, de très belles choses ont été dites là, tout de suite. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse aussi, et surtout, c'est de créer un dialogue, en fait, entre les Roms et les gadgets, en réalité. Donc, moi, c'est les non-Roms. Les non-Roms, j'allais dire. Tous les autres. Voilà, tous les autres. Mais j'ai vraiment envie de créer quelque chose, de créer un dialogue, parce que je n'aime pas trop, à vrai dire, le nom de nous et eux. Voilà, je parlais tout à l'heure de diversité, mais dans la diversité, nous avons aussi des valeurs universelles, à vrai dire. On prône exactement la même chose, on veut la même chose que n'importe qui. Si mes parents sont venus ici en Belgique, c'est pour pouvoir m'offrir un meilleur avenir. Et je pense que tout parent rêve de faire pareil pour son enfant. Donc, voilà, moi, dans mes activités, en tout cas, c'est ça que je veux faire. C'est vraiment créer le dialogue, parce que je pense qu'à travers le dialogue, les peurs vont s'estomper, clairement. Parce qu'on va connaître l'autre, et à partir du moment où on connaît l'autre, ben, en tout cas, ça aide énormément à déconstruire les stéréotypes. Et quoi, et comment tu t'y prends pour créer du dialogue avec l'autre? Ça fait combien de temps que tu essayes? Alors... Donc, j'ai tenté plusieurs activités voilà, durant mon parcours. Et dernièrement, ce que je fais, là, pour le moment, sur les réseaux sociaux, c'est de faire des vidéos dans les deux langues, c'est-à-dire en français et en rom. Donc, quelque part, j'incite tous mes amis francophones et romanophones à écouter le message qui est donné. Il n'y a rien de dissimulé. Ce que je dis en rom, je le dis aussi en français. Donc voilà, ce qui m'intéresse, c'est que le message passe et qu'on peut parfaitement, on a l'envie de faire exactement pareil que n'importe qui, être accepté en tant que citoyen normal au sein d'une société et être respecté pour ce qu'on est. Mais quoi, quel genre de message tu balances sur Internet ? Bien, par exemple, j'essaie de parler, de sensibiliser par exemple les non-Roms à des situations que vivent les Roms. Voilà, donc par exemple ici, là, dernièrement, j'ai fait une vidéo sur le 16 mai. Donc le 16 mai, si on revient en arrière, durant la Seconde Guerre mondiale, ben voilà, c'est le jour qui a été désigné comme jour de résistance pour les Roms. Parce que voilà, donc, un nombre de Roms voilà, se sont montrés extrêmement courageux face aux nazis. Et voilà, et donc ils ont fait ce qu'ils ont pu pour essayer donc, de survivre quoi, face aux nazis. Et je trouve que c'est important, par exemple, c'est un pan de l'histoire qui n'est jamais personne ou très peu de personnes en tout cas connaissent cette partie de l'histoire, et même au sein des communautés roms ça n'est pas suffisamment dit. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'essaie de faire. Allez, une autre encore, quel autre message encore tu balances sur internet pour créer du dialogue, parce que ça, c'est quand même oui. C'est quand même des tentatives que tu... Et c'est plutôt une vision aussi positive, quoi. Oui, oui. T'as pas accumulé, enfin peut-être caché, de la colère quand même sur tout ce monde. C'est sûr. Tout à l'heure, ça a été dit aussi, je crois, plusieurs fois. Moi, personnellement, en ayant travaillé aussi voilà, dans un secteur, j'ai vécu aussi de la discrimination. J'ai vécu des stéréotypes. Et je le disais tout à l'heure, si vous disiez que vous étiez Rome, est-ce que vous alliez avoir réellement un emploi ? Eh bien, moi, j'ai fait une autre expérience. C'est celle d'avoir travaillé pendant 8 ans avec des collègues dans un département. Et le jour où ils ont appris que j'étais Rome, eh bien, il y avait une suspicion énorme à l'intérieur de notre équipe de travail. Donc moi, je me suis sentie vraiment mal alors que les gens me connaissaient. Donc imaginez un peu si on ne vous connaît pas, il se passe quoi ? Donc là, on vous connaît depuis des années et malgré tout ça, on a quand même des suspicions énormes sur vous. Après avoir su que vous faisiez partie de cette communauté-là. Donc je me dis, des enfants, des jeunes adolescents, n'importe qui, et ils le vivent d'ailleurs, hein. Donc quand je travaillais en tant que médiatrice scolaire, des jeunes enfants me disaient, je ne veux pas aller à l'école, parce qu'on me traite de gitan, on me traite de rhum, on me traite de ceci, de cela, va chercher de la nourriture dans les poubelles, etc. Et donc qu'est-ce que ça fait ? Ce sont des adolescents, ils rentrent en conflit, ils se battent, et puis ils n'ont plus envie d'aller à l'école. Donc voilà, moi, c'est autre chose que j'ai envie de créer. J'ai envie de créer le dialogue, j'ai envie que les gens puissent se parler. Et une autre chose que j'essaie de faire, c'est de générer les débats à l'intérieur de la communauté, parce que je pense aussi que la communauté doit se nourrir elle-même pour pouvoir comprendre où sont les obstacles, pourquoi on réagit d'une telle manière ou d'une autre. Voilà, c'est important de générer les débats. Je suis d'accord avec toi, moi, alors. Causer, parler, ça, même si des fois c'est chaud, ouais. Ça fait tellement du bien aussi, hein, voilà. Madame Lee. Oui, je suis d'accord avec vous que parler et débattre, c'est une chose très importante, mais il faut aussi savoir que parfois on n'a pas les codes nécessaires à la discussion, à la conversation. Ouais. Parfois, toutes ces discussions qui se passent selon des facteurs de communication appris dans des écoles manquent complètement à des gens qui ont malgré tout un mot à dire, comme par exemple moi, je n'ai pas fait une école de journalisme ni de communication et je ressens l'envie de m'exprimer, et je vous remercie d'ailleurs de m'avoir donné la parole, parce que je dois vous avouer que tout au long de mon parcours, ici ou ailleurs, j'ai essayé d'entrer en communication avec des associations qui, soi-disant, représentaient les Roms. Mais quand je dis soi-disant, c'est parce que je ne le ressentais vraiment pas. À part exploiter la misère pour obtenir des subsides, je ne voyais rien d'autre. Alors, est-ce que ce n'est pas un intérêt de la part des associations de maintenir cette misère et le concept de la misère pour pouvoir... Il faut reprendre ce que tu dis. On reprend, retiens, parce qu'on est viré, voilà. On est des Roms, hein, on a l'habitude. On est expulsés, allez. Allez, hop. Merci les gens. Attends, c'est pas fini, hein, tu dis non, c'est pas fini, on va continuer. Hein. Tu crois qu'on va se laisser démonter comme ça? Là, je colle, je monte pas, je colle. Je laisse le micro allumé, hein, les amis. Comme ça fait un petit peu... une respiration. Mais retiens, parce que c'est important ce que tu disais, Madame Lee. Un pec ? Non, t'inquiète. Hein. On sent quand Madame Lee parle, tu vois, on doit être... chacun a sa voix, au fond, on ne peut pas forcer la chose. Mais donc, on a été coupé, là, on a été viré. Et donc, on reprend ici en rond, en face du Bruegel, au soleil un peu. On continue. Donc, tu parlais de tout ce petit monde qui reçoit des subsides. Oui, pour reprendre, c'est comme je disais, j'ai essayé d'approcher des associations ou des militants, si vous voulez, qui s'expriment dans l'espace public au sujet des Roms. J'ai essayé d'entrer en communication avec eux d'une manière intellectuellement très honnête et sincère. Mais ça n'a pas pris. Et je m'en suis rendu compte au fur et à mesure de mes analyses que une situation très ambiguë est créée sciemment par certains qui veulent exploiter la misère de Rome pour recevoir des subsides. Alors, il y en a certaines associations qui sont toujours là et qui ont leur petit discours où le mot homophobie est sorti 2 ou 3 fois dans une de leurs publications périodiques. Et ça sert toujours au même objectif, c'est-à-dire image marketing de la diversité. Et puisque les Roms doivent être, c'est-à-dire émancipés, et ce mot émancipé veut dire intégrés, et par intégration, on veut leur faire endosser une identité comparable à des populations qui ont des histoires basées sur l'héroïsme de la guerre, je ne sais pas quoi, mais toutes sortes de critères que l'histoire met en évidence pour construire l'identité d'un peuple. Donc on veut faire... Effacer l'histoire, si je comprends bien. Effacer l'histoire, la mémoire, la culture des Roms. Effacer, je ne sais pas, mais peut-être la déformer fortement, puisque ces gens, les Roms, qui étaient dans un pays ou dans un autre, puisque comme on le sait, ils sont éparpillés un peu dans tous les pays de l'Europe. S'il y avait une guerre dans un pays où ils se trouvaient, évidemment, ils participaient à la guerre ou à la paix, surtout à la paix, puisqu'il y avait beaucoup de choses très intéressantes pendant des périodes de paix où les Roms participaient, par exemple. Les maréchals ferrants qui faisaient des fers à cheval pour les charrues des paysans, ou alors des fêtes où la musique était extraordinaire et un peu interprétée avec des variations selon les sensibilités, en tout cas interprétée d'une manière libre. Et qui donnait beaucoup plus de vivacité que juste un tempo un peu forcé, peut-être même forcené. Forcené ? Ouais. Attends, tu as entendu ce que disait Madame Lee ? La suite ? Par rapport aux subsides, en tout cas, enfin, et par rapport aux acteurs, en tout cas, qui et aux associations qui... voilà, qui disent s'occuper en tout cas se préoccuper de la question Rome. Moi, de mon expérience, qu'est-ce que je peux dire ? Bien, c'est que la vérité, de mon expérience, j'ai l'impression quand même que au niveau européen, j'ai pu participer à quelques conférences, j'ai l'impression que on donne de l'importance à stimuler l'envie aux populations locales d'entreprendre des projets pour pouvoir stimuler la citoyenneté, etc., améliorer l'éducation pour les enfants. Mais en réalité, les critères pour l'obtention de subsides et la mise en place des projets C'est deux réalités complètement différentes. En réalité, ce n'est pas accessible aux populations locales. Et là-dessus, je rejoins Madame Lee qui disait tout à l'heure, ben voilà, par rapport aux populations locales, ben oui, comment est-ce qu'on veut intégrer ? C'est quoi le discours du haut qui dit que c'est important de mettre les gens, de stimuler les populations locales à entreprendre des projets ? Et puis, quand on voit les critères pour pouvoir mettre en place des projets, c'est juste inaccessible. Donc moi, par rapport à ça, en tout cas, c'est ce que je dirais. Je dirais que c'est dommage et que les grands acteurs sociaux qui disent travailler et traiter de la question rom, oui, ils travaillent surtout au niveau de la distribution d'informations, etc., au niveau des réseaux qui existent dans des pays, donc au niveau national. Mais en réalité, au sein des populations locales, qu'est-ce qu'il existe ? Qu'est-ce qu'il est fait ? Pas grand-chose. Mais parlons concrètement. Ça, on a bien entendu la pensée, le concept. Oui. Ça ne marche pas. Et concrètement, est-ce que tu peux expliquer des faits concrets? Oui. Que ça ne marche pas? Mais des faits concrets que ça ne marche pas, c'est que... Tu en as déjà un peu expliqué au début, je trouve. Oui, donc c'est intéressant de se dire, tiens, on demande à ce que les populations... Parce que c'est fort prôné, ça, hein, au niveau européen, que les gens se prennent en main, que le citoyen soit employable, etc., qu'il faut, s'autonomiser, etc. Mais oui, mais ça, c'est le discours, c'est très bien. Mais au niveau local, on sait qu'il y a un manque au niveau de l'éducation, que les gens, par exemple, n'ont pas une connaissance approfondie. Tout à l'heure, on l'a dit aussi. Je peux réagir à quelque chose, parce que moi je suis sensible au mot, mais quand tu dis les gens n'ont pas l'éducation, oui. Ils ont leur éducation, oui. Mais seulement ils n'ont pas forcément les codes pour rentrer dans le système. Quand je parle d'éducation, je parle d'éducation scolaire, académique, connue. Est reconnu au sein de ces sociétés-ci et qui font qu'on est obligé de passer par ces critères-là si on veut s'insérer au sein de la société, si on veut mettre en place des projets, etc. Donc ça, oui, au niveau, à ce point-là, en tout cas, on peut voir qu'il y a un manque, qu'il y a vraiment une différence entre ce qui est prôné et ce qui est possible de faire sur le terrain. Quelqu'un, tous vous deux? Oui. Mais je vous en prie, Marie-Lido. Oui, bah, c'est fini. Le principe. Le principal a été dit, hein, donc Elvie parle du décalage parfois entre la pratique et la théorisation de subsides ou des choses comme ça. Et je pense que Madame Lee, elle a parlé aussi parfois d'une certaine forme d'imposture, tu vois, dans certaines associations qui existent. Moi, j'ai vu aussi à Bruxelles véritablement une imposture, c'est-à-dire des gens qui font aussi un business avec la misère de ces communautés. Je pense que moi, je suis raccord avec les deux paroles qui sont tenues. Tu vois, il y a des gens qui vivent aujourd'hui sur le dos des gens qui vivent des situations de précarité extrême dans les campements à côté des autoroutes ou des rails de chemin de fer. Mais en fait, ça n'est pas possible que des gens vivent comme ça. Nous n'avons même pas besoin de travailleurs sociaux pour aller travailler avec ces gens-là. Ces gens doivent sortir de ces campements, ça n'est pas possible. La société sédentaire dominante doit donner une place digne à ces communautés-là. Ils sont européens, ça veut dire que... Enfin, moi, je suis pour l'ouverture des frontières, mais si je réfléchis dans le cadre qu'on m'impose, c'est une situation complètement dingue, en fait, si on réfléchit bien. Parce qu'ils sont européens. Et ils ne reçoivent pas de permis de séjour. Et ils sont exclus de tout. Donc je reviens sur cette image du fantôme. À mon avis, il va falloir qu'on comprenne ça. Voilà. Et la petite dernière, on arrive à la fin. Oui, tu as envie de dire quelque chose ? Oui, j'ai vraiment envie de dire que toutes ces questions et le sujet est beaucoup trop complexe pour être clôturé en une heure de discussion. Il y a beaucoup d'aspects qui ne sont pas ressortis, comme par exemple la monopolisation de la lutte anti-discrimination, anti-racisme par des activistes de carrière qui utilisent un langage ou des termes comme homophobie qui, à moi, en tant que Rome, ne me dit rien. Et fort présent dans l'espace public. Donc j'espère qu'on aura d'autres occasions pour prendre la parole, pour traiter les choses d'une manière intellectuellement très honnête et d'une manière ouverte. Oui, Mais tu as pu un peu l'expliquer, hein, que le terme homophobie, ça ne te disait rien. Tu as déjà un petit peu développé. Oui. J'avais envie de te reposer la question, pourquoi le terme... Mais t'en as déjà un petit peu causé, non? Oui, j'ai causé là-dessus et je vous ai déjà dit que cela désigne une peur plutôt que tout ce que j'ai rencontré en tant que Rome. Mais à chaque fois qu'on m'a posé la question sur mes origines. Donc, si je dois me rapporter à ce terme romophobie, qui désigne une peur, phobie de quelque chose, une peur irrationnelle, elle est complètement artificielle. C'est un terme artificiel avec qui met en place une expression artificielle, mais qui pourtant est présente dans plein de discours de mass media et qui ne dit rien en fait sur la réalité, puisque comme je vous ai dit, c'est plutôt le rejet, la haine ou cette jalousie, envie avec peur, avec envie de nuire à celui qui possède ce qu'on n'en a pas soi-même, à développer sans doute dans d'autres occasions aussi. C'est vrai que tu parles très doucement. Hein. Alors si je parle très doucement, c'est aussi dû au fait que je ne m'exprime pas souvent. Oh, sans me victimiser pour autant, évidemment, puisque quand je veux crier, je crie. On entend. J'ai très peu l'habitude d'exprimer ce que je pense véritablement. Merci Madame Lee, de ça. Hein, de évidemment, c'est pas fini tout ça, tout ce qu'on discute. Mais comment faire justement pour les gens qui nous écoutent, d'aller trouver des liens, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire quand on entend ça pour changer cette donne? On aura envie de dire ça pour changer, parce que je sais pas si vous allez me suivre, mais être Rome, voilà, je veux dire, quand on est un humain un peu. C'est un humain, on est des humains après tout. Je veux dire, pourquoi il y a besoin comme ça d'écraser. Des peuples ou écrasés. Je ne comprends pas cette logique-là. Je trouve la question que vous avez posée, c'est-à-dire comment, quel est le message envers les gens qui vous écoutent de créer des liens. Alors, mon message envers eux, c'est de se donner la liberté de penser au-delà des clichés et de dépasser l'imaginaire collectif. Et avoir leur bon sens, un voleur, c'est un voleur, un homme honnête, c'est un homme honnête. Et ça, c'est totalement indépendant de l'origine. De l'origine. Absolument, mais je partage parfaitement ce qui a été dit. Hein. Clairement, il faut essayer de dépasser les stéréotypes qui sont véhiculés. Et il faut surtout penser... comme je le disais tout à l'heure, à la grande majorité silencieuse qui, elle, subit de plein fouet les stéréotypes qui ont une force extraordinaire réellement et qui font reproduire en vérité des schémas d'humiliation, de non-revalorisation à l'intérieur de la communauté. Et je trouve ça terriblement triste, alors que, comme l'a dit Madame Lee, il suffirait simplement de se libérer de ces stéréotypes, de se donner la liberté de penser autrement, d'aller vers l'autre. Et voilà. Et vous allez voir qu'on est des gens extraordinaires. Mais moi, j'en doute absolument pas. Hein. Je crois que la personne censée n'en doute absolument pas. Ben oui, écoute, moi, j'espère que cette émission aura pu servir à déconstruire quelques clichés, quelques stéréotypes. Et après, j'ai aussi conscience qu'il ne suffit pas juste de déconstruire les stéréotypes dans l'imaginaire collectif, mais il faut aussi se battre contre le racisme d'État aujourd'hui, qui ne donne pas de place encore une fois aux communautés roms et qui les oblige à vivre en marge de nos périphériques, même si, comme on vous l'a expliqué, il n'y a pas que les gens qui vivent dans les campements. En fait, il y a une diversité sociologique assez dingue aujourd'hui dans la vie, parce que c'est une communauté très vivante. Voilà, il y a des gens qui sont sédentarisés, il y a des gens qui sont sédentarisés en caravane, il y a des gens qui sont toujours nomades aussi en Belgique, les communautés manouches, il y en a qui sont toujours nomades. On a l'impression que c'est... Mais oui, en fait, ça existe vraiment. Il y en a d'autres qui vivent sur des terrains en Wallonie, mais leur caravane ne bouge plus. Enfin, c'est très complexe. Et en fait, c'est tellement complexe que les gens confondent tout. Ils voient pas que c'est une réalité sociale et culturelle et économique. Et puis ici, vous avez Madame Lee et Elvira, qui sont deux personnes qui viennent d'une histoire qu'on soupçonne pas parfois. hein, et leur place aujourd'hui dans cette société, aujourd'hui en Belgique, on ne la soupçonne pas. Donc c'est bien aussi voilà, qu'on entende cette parole. Et puis bah, voilà, moi c'est pour ça qu'on s'est contacté et que vous êtes venu. Et voilà, j'espère que ce sera entendu, ce sera relayé. Trop chouette, merci. Quoi ? Oui, pour revenir sur ce que Marolito dit, cette idée de racisme d'État me semble un peu légèrement peut-être exagérée parce que ce journaliste qui a écrit l'article, peut-être il n'a que sa propre conception, sa perception de la société qu'il exprime. Et je me demande si, même si tu n'as pas parlé de journaliste, je me demande si ce journaliste n'attribue pas à la police une parole et une attitude qu'elle n'a pas nécessairement en réalité, puisque ces gens sont parfois employés d'une institution de l'État par des convictions. Qui ne sont pas nécessairement mesquines ou en rapport avec des clichés péjoratifs. Et je l'espère, parce que j'ai envie et j'ai vraiment envie d'avoir confiance dans la société.